de la blueberry. Ce n'était pas la première fois que je mangeais ce genre de gâteau, je n'appréhendais pas l'expérience. C'est très sereinement que j'ai pris un cookie posé sur la table pour le manger. À ce moment-là, je ne pensais pas pouvoir perdre le contrôle. Ce genre de gâteau a l'habitude de me faire effet très rapidement. Au bout d'une demi-heure, je sentais déjà des effets assez forts. Ce n'était que la montée, et les effets étaient beaucoup plus puissants comparés à ma dernière expérience. Réalité. nous sommes 5 sur cette planète Terre.